franceinter.com. Quelle revanche ! Trois décennies après l'écrasement sans pitié de leur mouvement par les militaires, un guerriero Tupamaro vient d'accéder le plus légalement du monde à la tête de l'Uruguay. José Mujica, plus familièrement appelé Pepe, a été élu président de son pays et entrera en fonction dans quelques semaines. Après l'élection de ce vieux guerriero qui a combattu les armes à la main, c'est tout un morceau de passé qui remonte à la surface. Dans les années 60-70, l'Amérique du Sud était alors le théâtre de l'éclosion de nombreux mouvements insurrectionnels, souvent d'inspiration marxiste. Ou plutôt, à l'image de ce qui venait de se passer à Cuba, guévariste. Certains, faisant référence à la lutte ancestrale des Indiens contre le colonisateur espagnol, avaient d'ailleurs choisi de s'appeler Tupamaros, du nom du chef de la plus grande rébellion indienne, Tupac Amaru, vaincu puis écartelé sur la grande place de Cusco en 1781. Ce fut donc le cas en Uruguay, où ces rebelles ont fait leur apparition dans les années 1960 en donnant naissance à une opposition clandestine très originale où, au moins dans un premier temps, ils ont mis les rayeurs de leur côté en ridiculisant le pouvoir en place. Mais le grand voisin nord-américain s'en est rapidement mêlé et est venu au secours des dirigeants uruguayens. Le terrible cycle violence-répression s'est enclenché comme dans d'autres pays du continent et le petit Uruguay, longtemps considéré comme la Suisse de l'Amérique latine, a sombré dans l'horreur, à tel point qu'on y a expérimenté l'utilisation systématique de la torture, des méthodes qui feront école ailleurs sur le continent. Monsieur X a donc choisi cette semaine de revenir aux sources de cette spectaculaire guérilla qui a permis aujourd'hui à l'un des siens de devenir le numéro 1 de son pays. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre exemple en Amérique du Sud de l'accession au pouvoir par les urnes d'un ancien guerrier. Cependant, au Nicaragua et puis au Salvador. Hein. Certes, mais pour ne parler que du Salvador, Mauricio Funes a lui aussi été élu président. Mais s'il représente l'ancienne guérilla, le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, il n'a pas combattu comme José Mujica. Et il n'a pas connu l'emprisonnement et la torture comme son homologue uruguayen. C'est pourquoi le cas de Mujica est unique et qu'il a valeur de symbole sur un continent où les forces de gauche se sont imposées dans de nombreux autres pays. Récemment, hein, mais c'est aussi une réaction de défiance vis-à-vis des États-Unis qui ont longtemps imposé leurs lois en Amérique du Sud. C'est certain. Autre élément original, C'est aussi un homme d'origine modeste qui est arrivé au pouvoir à Montevideo. Un paysan, comme il aime lui-même à se définir, qui fait fi des conventions sociales et use parfois d'une langue rude et sans fioritures. Mais on reparlera de ce personnage qui aimerait, au fond, être le Lula uruguayen. Auparavant, plongeons brièvement dans l'histoire de son pays. Et par où commencer alors ? Il faut d'abord savoir que l'Uruguay est un petit pays, un peu plus de 3 millions d'habitants sur un territoire qui est à peu près le tiers de la France. Un pays coincé entre deux géants, l'Argentine et le Brésil, et qui a dû souvent faire face aux convoitises de ses grands voisins. Autre caractéristique, l'Uruguay, dont les ressources sont essentiellement agricoles, l'élevage surtout, est aussi devenu la place financière la plus importante du continent. Le Luxembourg ou la Suisse de l'Amérique du Sud, si vous voulez. Un paradis fiscal ? Oui, les banques y pullulent et le pays accueille le siège du marché commun de la région, le Mercosur. En même temps, il faut noter que l'Uruguay s'est doté d'un système politique relativement original qui lui a permis de connaître des décennies de paix sociale. Et cela très tôt. Il n'y a longtemps existé que deux partis. Le blanc, national et conservateur, et le rouge ou colorado, plutôt situé à gauche. Deux partis qui se sont partagés le pouvoir, même si c'est le Colorado qui l'a souvent emporté et a longtemps gouverné le pays. Des partis qui existent toujours. Hein. Effectivement. Mais en 2005, c'est un troisième larron qui est arrivé au pouvoir. Le Frente Amplio, le Front Large. Un mouvement directement issu de la guérilla des années passées. Enfin, pour être tout à fait exhaustif, il faut souligner que la paix sociale et politique a longtemps connu l'Uruguay a autorisé la mise en œuvre d'une législation très en avance sur son époque, surtout par rapport aux autres États du continent. Des exemples ? Dès le début du XXe siècle, sous la présidence de José Batlle y Ordóñez, on s'inspire de l'exemple scandinave et on y adopte le droit de vote pour les femmes, le divorce par consentement mutuel, le droit au congé maternité, l'assurance obligatoire des patrons en cas d'accident du travail ou encore la laïcisation de l'enseignement. L'institution de cet État-providence, qui conduit aussi une politique redistributive entre les campagnes et les villes, donne d'excellents résultats, au moins jusque dans les années 60. Mais ça va se gâter. Oui, il y a plusieurs causes. Les exportations fléchissent, le marché intérieur se rétrécit, et la toute-puissance de l'économie états-unienne se fait aussi sentir. Bref, l'Uruguay, fortement endetté, traverse une période difficile, et doit se plier aux oukases du FMI. Conséquence, la monnaie uruguayenne est dévaluée. Les salaires sont bloqués et les importations sont libéralisées. Et ça suscite forcément des mécontentements dans la population. Et bientôt, on verra apparaître le mouvement des Tupamaros. Mais cette opposition vient encore de plus loin. Dès la fin des années 50, ça bouge dans les campagnes où existe un véritable sous-prolétariat, celui des caneros, les coupeurs de canne à sucre. Un homme qui sera un des fondateurs des Tupamaros. Raúl Sendic coordonne cette agitation rurale qui monte en puissance. Est-ce que l'exemple cubain et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro en 1959 ont une influence hein? Certainement, mais les futurs Tupamaros se garderont toujours d'être inféodés aux castristes, même s'ils ont partagé avec les Barbados quelques objectifs communs. Mais la véritable cristallisation se produit un peu plus tard, au début des années 60. C'est-à-dire alors. On voit se rassembler des opposants de gauche qui viennent d'horizons très divers. Et parfois même des partis traditionnels, comme par exemple José Mujica, qui militait au sein du Parti Blanc. Il y a donc là des réformistes, des socialistes, des marxistes purs et durs, des maoïstes, des anarchistes. Alors autant de gens qui n'ont pas l'habitude de combattre ensemble. Et qui ont au contraire coutume de se déchirer. Et c'est là l'un des aspects les plus spécifiques de cet agrégat hétéroclite qui va donner naissance au MLN, Mouvement de Libération Nationale, c'est-à-dire l'organisation des Tupamaros. L'unité doit se forger dans l'action. Et le débat idéologique vient seulement après. C'est une force, mais aussi une faiblesse. C'est vrai, car il n'est pas toujours facile de mettre tous ces gens d'accord. Mais l'unité prévaut-elle, alors ? Oui, c'est l'essentiel. Car on est au moins d'accord sur un objectif, l'édification d'une société socialiste. Autre originalité, la structure du mouvement très décentralisée. Le MLN regroupe plusieurs détachements ou colonnes qui sont relativement autonomes. Puis j'imagine que c'est aussi une organisation cloisonnée. Et qui a toujours fait preuve d'une grande ingéniosité en créant, par exemple, un vaste réseau de planques et de caches d'armes au cœur même de Montevideo. Les Tupamaros vont même jusqu'à créer un service sanitaire comprenant ambulances et hôpital clandestin. Pour venir en aide aux guérilleros blessés ? Oui. Cependant, dès le début, on note qu'il existe deux lignes. La première privilégie le travail politique et la deuxième penche pour l'action armée. Et finalement, lorsque la répression s'accentuera, c'est cette dernière tendance qui l'emportera. Oui, presque obligatoirement. Hein. Ouais, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ah. Ouais, voyons. Autre question, où recrutent les Tupamaros ? Essentiellement chez les jeunes et dans la classe moyenne. Quand apparaît publiquement cette organisation ? On peut situer l'acte fondateur en 1963. Cette année-là, des Tupamaros s'attaquent à un club de tir afin de s'emparer des armes qui y sont entreposées. Une action non violente qui va désormais être la signature de l'organisation, au moins pendant les premières années. Les Tupamaros se refusent autant que possible à user de la violence. Et peu à peu, au cours de ces années 60, ils vont se forger une image de Robin des Bois. Robin des Bois, par exemple. Ils attaquent des camions de fournisseurs de supermarchés afin de distribuer leur butin alimentaire dans les bidonvilles. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'est exactement ça. Ils vont donc aussi braquer des banques, enlever des hommes politiques corrompus, mais aussi des militaires ou des financiers. Autant d'otages qu'ils relâchent rapidement. Des actions symboliques. Et pédagogiques. Car le but, c'est aussi de montrer que le pouvoir est impuissant. Et au passage, de le ridiculiser. Un autre exemple très significatif. En 1969, un commando, Tupamaro, s'en prend à une société financière qui pratique des taux usuraires et se livre à l'évasion fiscale. Et ce genre d'action doit valoir aux Tupamaros la sympathie de la population. Incontestablement. Hein. Le côté Robin des Bois plaît et amuse. Et aussi parce que les cibles choisies sont très impopulaires. Cet engouement est tel que même les Uruguayens qui ne partagent pas leurs idées sont fiers d'avoir chez eux des guerrieros aussi inventifs. Les meilleurs guerrieros d'Amérique du Sud. C'est assez rigolo, je trouve. Mais le gouvernement ne peut pas ne pas réagir. Ah, c'est évident, d'autant que le président de la République, très proche des milieux d'affaires, applique une politique très conservatrice. Donc, la répression se met peu à peu en marche. Ça commence par la fermeture de quelques journaux de gauche, et ensuite par l'interdiction de certains partis d'opposition. En même temps, et c'est dérisoire, les journalistes ne sont plus autorisés à employer le vocable Tupamaro. Résultat, ils emploient des substituts qui sont autant de pieds de nez. L'humour est aussi une arme. Jusque-là, enfin, même si ce sont des atteintes aux libertés, ce n'est pas bien méchant. Il y a quand même eu, en 1966, un affrontement armé des Tupamaros avec la police au cours duquel un militant a été tué. Non, le climat va progressivement se durcir. Et de nombreux refuges des Tupamaros sont découverts. Mais à chaque fois, les clandestins ont réussi à fuir avant l'arrivée de la police. Leur sens de l'organisation, le cloisonnement entre les différentes colonnes leur ont permis, au moins jusqu'en 1969, d'échapper au pire. Mais ça ne va pas durer. Et déjà, les rares guerrieros qui sont pris sont traités avec une extrême brutalité par les policiers. Rendez-vous avec X. Matthew Carr a écrit une somme remarquable sur ce qu'il appelle la mécanique infernale, c'est-à-dire une recension des mouvements terroristes et leur histoire. Dans le chapitre consacré aux Tupamaros, j'ai extrait ce passage. Les Tupamaros se lancèrent également dans l'agitprop et la propagande armée, utilisant des moyens inventifs et peu courants qui ressemblaient plus à du théâtre révolutionnaire qu'à la guérilla. Pendant la foire du livre de 1968, une boîte explosa gentiment, faisant pleuvoir des tracts révolutionnaires sur la foule. Dans tout Montevideo, des guérilleros armés faisaient irruption dans des cafés ou des lieux publics et entamaient des conférences politiques, ou bien pénétraient dans les cinémas pour haranguer les spectateurs ou projeter leurs propres films de propagande. La verve et l'ingéniosité de ces opérations donnaient l'image d'un gouvernement et d'une police incompétents. Et l'organisation grandit rapidement, acquérant 3000 nouveaux membres actifs et 5000 sympathisants, incluant des lycéens, des étudiants, des professeurs des beaux-arts, des femmes au foyer, des travailleurs en col blanc, et même des policiers et des officiers de l'armée. Tels des super-héros révolutionnaires, des employés de banque commettaient des cambriolages pendant leur pause déjeuner, puis retournaient tranquillement travailler. Des employés de bureau prétextaient un faux rendez-vous chez le dentiste pour commettre un acte de propagande armée. Des instituteurs gardaient des otages dans des prisons du peuple pendant leur temps libre. La mécanique infernale de Matthew Carr a été publiée par les éditions Héloïse d'Ormesson. Ça s'aggrave en 1969, avez-vous dit? Oui. Car les tupins roses vont être entraînés dans la spirale de la violence. Et il me faut d'abord souligner que depuis 1968, le climat social s'est considérablement tendu. Des manifestations étudiantes ont ainsi été brutalement réprimées. Il y aura même 3 morts. Et l'année suivante, grèves et manifestations vont se succéder, tandis que des centaines de militants syndicaux seront internés dans les casernes. L'armée montre le bout de son nez. Et le pouvoir imagine déjà de l'utiliser pour rétablir l'ordre. Au mois d'avril 1969, les Tupamaros franchissent une marche supplémentaire. Un commissaire de police accusé d'être un tortionnaire est exécuté par un commando de l'organisation. Ah, c'est le premier mort des Tupamaros ? En effet. Quelques mois plus tard, ils décident d'entreprendre une action spectaculaire pour célébrer à leur manière le 2e anniversaire de la mort du Che. Il s'agit d'occuper pendant plusieurs heures Pando, une petite ville industrieuse de 20 000 habitants proche de la capitale. La préparation est minutieuse et, comme à l'habitude, particulièrement astucieuse. Le jour dit, un groupe de militants organise de fausses funérailles pour un prétendu parent. On défile derrière le cercueil à travers toute la ville. Et au fur et à mesure de la progression du cortège, ils sont de plus en plus nombreux à suivre le convoi funéraire. La police n'est donc pas alertée. Mais soudain, on ouvre le cercueil qui est bourré d'armes et les Tupamaros se répandent dans la ville. Des banques sont pillées, le poste de police, la caserne des pompiers et le central téléphonique sont investis tandis que des militants distribuent des tracts dans les rues. Et tout cela sans violence. Ah, parfaitement. Et même dans un climat de liesse. Mais alors que les Tupamaros quittent la ville et se replient, ils se heurtent à un barrage de police. Les forces de l'ordre ouvrent le feu. 3 guérilleros sont tués alors qu'ils allaient se rendre et 20 d'autres sont capturés. Ils seront ensuite copieusement torturés. Alors ça, c'est un échec, hein ? Oui et non. Oui, parce qu'à l'occasion, l'organisation a perdu quelques militants importants. Non, parce que les Tupamaros vont, grâce à cette action, voir encore croître leur prestige. Surtout auprès des jeunes Uruguayens. Mais c'est la conséquence la plus grave. Cet épisode sanglant va faire réfléchir les chefs de l'armée. Ouais, qui vont être de plus en plus tentés d'intervenir. Parce qu'ils pensent que la police sera impuissante à contenir la progression irrésistible des Tupamaros. Ouais. Ça veut dire que les guérilleros, là, enfin, malgré le drame de Pando, c'est ça, hein, n'ont pas renoncé. Hein. Bien au contraire. Bon, je ne vais pas énumérer tous leurs exploits, mais sachez simplement que pour célébrer la Journée internationale de la femme en mars 1970, les Tupamaros font évader une bonne dizaine de leurs compagnes qui étaient emprisonnées. Puis, tout de suite après, ils dérobent un coffre-fort d'une tonne bourré de lingots d'or et de billets de banque, coffre qui appartenait à 3 frères, des oligarques, qui avait omis de déclarer ce trésor au fisc. Et c'est toujours dans la veine de Romain Desbois. Hein. Mais il y aura encore une action spectaculaire, toujours en 1970, lorsqu'un commando investira le centre d'instruction de la marine et s'emparera d'un véritable arsenal comprenant même des mitrailleuses. Et je ne compte pas les dizaines d'occupations d'entreprises afin de soutenir les ouvriers en grève. Mais à côté, il y a aussi des aspects plus sombres. Des exécutions de policiers tortionnaires, comme par exemple en mars 70, celle du superintendant de police qui était aussi le chef de la brigade antiterroriste de Montevideo. Mais est-ce que ces assassinats ciblés là, diminuent la popularité des Tupamaros ? Pas vraiment. Le mouvement de libération nationale regroupe alors 2000 militants résolus et peut s'appuyer sur un réseau de soutien fort de 5000 personnes, parmi lesquelles de nombreux médecins, qui enseignent aux Tupamaros l'art d'opérer ou de recoudre les blessures. Il y a même des psychologues chargés d'épauler les militants qui flanchent. Enfin, et ça aussi c'est original, les Tupamaros fabriquent artisanalement des armes automatiques dont certaines seront même assemblées en série. Mais vous ne m'avez pas vraiment répondu là à propos de leur popularité. Eh bien, toujours en 1970, un sondage Gallup indique que 41% des Uruguayens les considèrent d'abord comme des militants politiques. Et pas comme des terroristes. Non, ils sont seulement 27% à les prendre pour des délinquants. Ouais. Le pouvoir a donc de bonnes raisons de s'inquiéter. Hein. Cependant, il est certain que les actions d'armée des Tupamaros et surtout les exécutions auxquelles ils procèdent risque de leur aliéner cette popularité dont ils bénéficient encore. Ce qui va arriver. Oui, mais pour les Tupamaros, le principal danger vient du Grand Nord. Le Grand Nord, les États-Unis. En effet. Très tôt à Washington, on a eu peur de la contagion castriste en Amérique du Sud. Et en 1960, peu de temps avant la fin de son deuxième mandat, le président Eisenhower crée un office de sécurité publique, OPS en anglais. Ouais. Dans quel but exactement là ? Au départ, il s'agit en liaison avec la CIA d'implanter des hommes au sein des polices locales. Des polices de Sud-Amérique ? Oui, absolument. Hein. Mais c'est avec l'arrivée de Kennedy à la Maison-Blanche que l'OPS va donner toute sa mesure. L'objectif est maintenant de fournir aux différentes polices l'instruction et l'équipement qui leur permettront d'être le plus efficace possible dans la lutte contre la subversion. On envoie donc des spécialistes de la CIA ou du FBI qui, sous couvert d'actions humanitaires, vont former à leur tour des techniciens locaux. Des techniciens, oui. Mais des techniciens un peu particuliers. Ces types, souvent formés par des experts français, ont appris à tuer, à torturer. C'est leur métier. Ouais. En parlant d'experts français, là, vous faites allusion aux officiers qui ont combattu en Algérie. Osares, Trinquier, les autres, oui. Et tous ceux qui ont enseigné dans cette célèbre école des Amériques installée à Panama. Leur film préféré, celui qu'ils projetaient à leurs élèves, c'était La bataille d'Alger. C'est ainsi qu'on va assister à la création de véritables escadrons de la mort qui vont semer la terreur un peu partout en Amérique du Sud. Des escadrons qui regrouperont ces techniciens, comme vous dites là. Oui, on y trouve des policiers, des militaires. Des hommes qui, selon les pays, agissent plus ou moins officiellement. Et toujours sous le contrôle des hommes de la CIA. Presque toujours. Vous parlez de quelles années, là ? Des années 60 et du début des années 70. C'est-à-dire à une époque où certains pays d'Amérique du Sud ne sont pas encore dirigés par des militaires. C'est juste. Mais même dans les pays encore soi-disant démocratiques, comme en Uruguay, les militaires piaffent. Et ils ne s'embarrassent pas de trop de précautions ou de scrupules quand il s'agit de lutter contre les mouvements d'extrême-gauche qui s'inspirent directement de l'expérience castriste. Bien sûr, les gouvernements ferment les yeux et ils ne peuvent pas faire autrement. La menace des militaires. Et la pression des États-Unis. Une pression physique et constante. Rappelez-vous la traque de Che Guevara en 1967. Ce sont des para-américains qui sont directement engagés aux côtés des rangers boliviens. Et c'est de l'anglais, le siège de la CIA, que viennent les ordres. Mais si vous voulez bien, là, revenons en Uruguay. Là. Quand cet OPS états-unien, c'est ça, envoie-t-il ses spécialistes dans le pays là. Dès 1965. Donc pratiquement au moment où le mouvement des Tupamaros commence à agir. Toutefois, c'est en 1969, avec l'arrivée dans le pays d'un certain Dan Mitrione, que l'OPS, en étroite liaison avec l'armée et la police uruguayenne, va donner la mesure de son efficacité. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Un témoignage important sur l'état d'esprit des militaires uruguayens en ces années-là. Je l'ai trouvé dans le livre exhaustif d'Alain Labrousse, « Les Tupamaros des armes aux urnes ». Ce bon connaisseur de l'Amérique du Sud donne la parole à un futur général, Oscar Pereira. Je cite « Je voyais le monde du point de vue d'un officier de l'armée. C'était un monde désordonné et conduit par l'idéologie, et le contexte de désordre, de violence, était en dehors de ma façon de voir. Je me rends compte d'une chose que je n'avais pas perçue à l'époque, que nous étions des radicaux de l'autorité et de l'ordre, et que les étudiants manifestaient le radicalisme de tous les jeunes. Puis a débuté la guérilla, la violence. Et la violence a fait de nous, du moins je l'ai perçu ainsi, l'ennemi. On nous définissait comme le bras armé de l'oligarchie, alors que ma famille était très modeste, mon père menuisier, ma mère femme de ménage. Nous avons bientôt constaté que la guérilla avait plus d'autorité que le gouvernement. La police était débordée, les juges étaient, pour certains, complices de la guérilla, et pour les autres, ils avaient peur d'agir. C'est alors qu'est apparue l'autre violence, celle des groupes d'extrême droite auxquels appartenaient certains membres des forces armées. En un mot, la dynamique de la violence a altéré ce qui était la vie de l'Uruguay. En bon radical de l'ordre que j'étais, je ne doutais pas qu'il fallait détruire la guérilla. Ce sont les termes pas du tout abstraits que nous employions entre militaires. C'était ceux des consignes que nous recevions. Le livre de Labrousse a été publié par les éditions du Rocher en 2009. Vous connaissez bien sûr le film de Castagavras, État de siège. Avec Yves Montand dans le rôle principal. Ce film, comme souvent chez Castagavras, a été inspiré par une histoire vraie. La vie et la mort de ce Dan Mitrion que je viens d'évoquer. Je me souviens que vous m'avez déjà parlé de ce personnage lors d'un entretien consacré au sinistre plan Condor. C'est exact. Alors pardon si je me répète. En tout cas, l'histoire de ce type illustre parfaitement l'action des services états-uniens en Amérique du Sud dans ces années-là. Et les promoteurs du plan Condor ne feront au fond que reprendre à une plus grande échelle les méthodes et les idées de Mitrion et des siens. Un mot sur le personnage alors. Mitrion, grand, blond et baraqué, a commencé sa carrière dans la police. Tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Simple flic ? Oui. Mais doué, semble-t-il, d'un remarquable sens de l'organisation. Il gravit peu à peu les échelons et entre au FBI. Et en 1960, sans doute sélectionné par l'OPS, cet office de sécurité dont je vous ai parlé, il est envoyé au Brésil. Et sa mission, alors ? Mitrion est officiellement consultant en sécurité. C'est-à-dire qu'il est chargé d'instruire les policiers brésiliens et de les familiariser avec les matériels les plus modernes. Utilisation de la radio, installation de caméras de surveillance dans les lieux publics, masques à gaz, bombes lacrymogènes, etc. Jusque-là, pas grand-chose à redire. Vous avez raison. Apparemment, son travail est anodin et relève de la simple coopération internationale. Et en réalité, alors ? L'agent Mitrion apprend aux policiers brésiliens les techniques d'interrogatoire les plus efficaces. Voilà. Torture, vous voulez dire ? Naturellement, car Mitrion est devenu un spécialiste. Il a même théorisé ce qu'il n'hésite pas à considérer comme une sorte d'art. L'art de torturer ? Exactement. Et ses cours commencent toujours par une véritable leçon d'anatomie. Il s'agit de faire comprendre à ses étudiants comment fonctionne le système nerveux humain. Selon lui, il faut d'abord, avant toute chose, évaluer l'état physique du sujet qu'on va interroger. Torturer, vous voulez dire, hein ? Pour Mitrion, il n'y a pas de différence. Ce diagnostic est très important. L'Américain préconise même de faire passer préalablement au sujet un véritable examen médical. Mais pourquoi hein ? Pour déterminer jusqu'où on peut aller dans l'interrogatoire. C'est-à-dire dans les souffrances qu'on inflige. C'est cela. Car affirme Mitrion, une mort prématurée est toujours un échec. C'est monstrueux. Hein ? Je ne vous fais pas dire. J'ajoute que, lorsqu'il le faut, il se livre à des travaux pratiques. En Uruguay, où il sera nommé plus tard à seule fin de démonstration, il fera rafler des mendiants et leur infligera des séances de gégène en faisant varier les voltages. Essayera jusqu'à la mort de 4 de ses cobayes. La gégène, c'est celle que les paras ont utilisée en Algérie. Oui, une simple magnéto de campagne, un engin portable. Les leçons du brave général Osares n'ont pas été oubliées. Mais Mitrion a perfectionné le système. Il emploie aussi des substances chimiques. Le but, c'est de conditionner le sujet, le ramollir, selon les propres termes de l'agent américain, lui faire comprendre qu'il est seul dans un monde à part, hors de la réalité. Et pour commencer, on ne lui pose aucune question. Mais on le frappe et on l'insulte. L'humiliation. Oui, l'humiliation. Après seulement, le véritable interrogatoire peut débuter. Écoutez, j'ai là un document assez étonnant. Il s'agit de récits d'un agent double cubain, un certain Manuel Hevia, qui a été l'un des élèves de Mitrione et s'est confié à un journaliste américain. Si vous le permettez, je vous en lis un extrait. Vas-y, hein. Durant l'interrogatoire, vous devez éviter que la personne perde tout espoir de survie. Si vous allez trop loin, il se résignera à mourir. Il faut toujours lui laisser un espoir, une faible lueur d'espoir. Quand vous avez obtenu ce que vous voulez, le mieux est de continuer l'interrogatoire avec encore plus de coups et d'humiliation. Oh non, pour obtenir plus d'informations, mais comme instrument politique pour l'effrayer au maximum. Avant toute chose, vous devez être efficace. Vous devez faire le strict nécessaire en matière de dommages et contrôler votre humeur dans toutes les situations. Vous devez agir avec la précision et la propreté d'un chirurgien et avec la perfection d'un artiste. C'est un boulot difficile, mais qui doit être fait. C'est nécessaire. Pour ma part, c'est mon truc et je le fais à la perfection. Je suis le meilleur. C'est épouvantable, ce texte. Et je dois à la vérité de dire qu'avant l'arrivée de Mitrione, la police uruguayenne usait déjà de la torture quand elle parvenait à appréhender un militant du Pamaro. Mais pour le policier américain, ses méthodes d'interrogatoire étaient encore trop artisanal. Lui, il va leur enseigner des procédés plus sophistiqués. C'est donc en 1969 qu'il arrive en Uruguay. Oui, parce que sa tâche au Brésil est terminée. Le président brésilien élu vient d'être déposé par les militaires. Mais en Uruguay, il y a presque tout à fait. Mitrione est donc envoyé en Uruguay pour lutter contre les Tupamaros. Naturellement, mais il bénéficie d'une couverture. Officiellement, il arrive en tant que fonctionnaire de l'Agence pour le développement international. Ouais, mais c'est un faux né, ça. En réalité, Mitrione va exercer le métier qu'il connaît le mieux, la formation, l'instruction et la modernisation de la police uruguayenne. Et la torture. Bien entendu. Il a même fait installer chez lui une cave insonorisée où il procède à des démonstrations au bénéfice de ses élèves uruguayens. Son action contre les Tupamaros est-elle efficace? Oui, il leur porte des coups très durs. De nombreux Tupamaros sont arrêtés et interrogés à la manière Mitrione. L'Américain en profite pour améliorer ses méthodes. Il invente de nouvelles électrodes pouvant être fixées sur les gencives ou sous les ongles. Ça démultiplie le choc électrique. Et forcément, certains guerreros finissent par parler et donc révéler les secrets de l'organisation. Et dénoncer les camarades. Pourtant, comme les résistants français dont ils se sont beaucoup inspirés, les Tupamaros ont recommandé à leurs militants de ne pas livrer de renseignements importants sous la torture avant au moins 24 heures. Ouais, le temps pour les autres de changer de planque ou de se mettre à l'abri. C'est ça. Cependant, si les méthodes de Mitrione se révèlent particulièrement efficaces, il y a des fuites. Tant et si bien qu'une commission sénatoriale déclenche une enquête. Le rapport des sénateurs dénonce les arrestations arbitraires et l'utilisation systématique de la torture. Oui, mais est-ce que la publication de ce rapport sera suivie des faits? Non, mais ça explique la suite. C'est-à-dire? En juillet 1970, les Tupamaros réussissent une fois de plus une opération spectaculaire. Ils kidnappent Mitrione en plein Montevideo. Et en échange de sa vie, ils exigent la libération de 150 d'entre eux détenus par la police. Le gouvernement uruguayen va-t-il céder? Non, car il subit une forte pression de Washington. La conséquence de ce refus est prévisible. 10 jours après l'enlèvement, on retrouve le corps de Mitrione sur la banquette arrière d'une voiture volée. L'agent américain a été abattu après avoir été endormi. Un assassinat collectif, car plusieurs armes de calibre différent ont été utilisées. Vous semblez laisser entendre, là, demi-mot, que Mitrione a été lâché par les Américains. J'en suis sûr. Surtout quand on sait que dès qu'un citoyen américain est séquestré quelque part dans le monde, Washington fait des pieds et des mains pour obtenir sa libération. Et là, ça n'a pas été le cas. Mais alors pourquoi aurait-il été lâché par les siens? Trop voyant, trop exposé, et pour tout dire, trop embarrassant. À cause de ses méthodes? Oui, le trop zélé Mitrione a été sacrifié. Et ce n'est pas innocent. Car l'assassinat de ce généreux fonctionnaire américain d'une organisation humanitaire venu en Uruguay pour participer au développement du pays va donner lieu à une campagne de propagande très bien ficelée. Aux États-Unis, il est célébré à l'égal d'un héros. Lors de ses obsèques solennelles, on a vu les plus grandes vedettes, toute la bande de Frank Sinatra, et bien sûr, de nombreuses personnalités politiques, dont le secrétaire d'État de l'époque. Lors d'un concert donné avec Jerry Lewis au profit de sa veuve, Sinatra osera même déclarer en substance que Mitrione se détache avec éclat dans le livre des êtres humains les plus remarquables. Quand même extraordinaire. Enfin, il s'agit d'abord, j'imagine, de noircir l'action des Tupamaros. Bien entendu. Ouais. Et ça marche. Le New York Times, qu'on a connu plus circonspect, accuse par exemple les guérillos uruguayens d'utiliser des méthodes dignes de Hitler. Les conséquences alors? Ah ben, elles sont multiples. Le pouvoir uruguayen se sent désormais les mains libres pour employer les grands moyens pour traquer les Tupamaros. Ouais, avec l'aide de l'armée. Autre conséquence, chez les Tupamaros, c'est maintenant sans conteste la ligne dure qui va l'emporter, celle qui prône l'action armée à outrance. Mais au fond, n'était-ce pas ce que cherchaient ceux qui ont délibérément sacrifié le tortionnaire de Mitrione? Enfin, nous verrons cela la semaine prochaine. Quelques lignes pour terminer, je les ai trouvées dans un livre de l'écrivain uruguayen Carlos Liscano, emprisonné pendant 13 années après avoir été torturé à plusieurs reprises. Le mieux, avais-je pensé avant d'être arrêté, c'est de se laisser tuer, supporter jusqu'à n'en plus pouvoir. Et alors, ils ne pourront pas torturer un corps inerte. Mais il y a un avantage en ma faveur auquel je n'ai pas pensé. J'ai 23 ans, je suis en bonne santé, mon cœur est en parfait état. Donc, sous la torture, je penserai que mon âge et ma bonne santé sont un désavantage. Si mon cœur lâchait au milieu de la torture, je mourrais et tout serait fini. Mais mon cœur ne lâche pas. Il fonctionne comme celui d'un homme jeune, fort, qui a fait du sport toute sa vie. Sous la torture, on préfère mourir. On finit par demander au tortionnaire de vous tuer. Le tortionnaire répond: c'est ce que tu voudrais, que nous te tuions, mais nous ne le ferons pas. Le livre de Liscano, Le fourgon des fous, a été publié en France par Belfond en 2005. À noter également le numéro de septembre 2009 de la revue Problèmes d'Amérique latine, consacré à l'Uruguay, disponible aux éditions Choiseul. Et pour rester sur le continent, la biographie brillante de Gabriel Marquez, Une vie chez Grasset. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez nous poser des questions et découvrir la bibliographie et la musicographie de cette émission. Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca Denant, Monsieur Joub ont participé avec moi à la confection de cette émission. Et tout de suite après le flash, un peu de nature, c'est au de mon amour de Denis Chessou.